17. Idée reçue numéro 2. La copie de médicaments entrave la recherche pharmaceutique. Lu par lecteur. Idée reçue numéro 2. La copie de médicaments entrave la recherche pharmaceutique. Le brevet sur les médicaments a longtemps été le symbole de l'efficience d'un titre de propriété sur une invention. Assurés d'un monopole de 20 ans sur leurs nouvelles molécules, les laboratoires pharmaceutiques n'hésitaient pas à s'engager dans de coûteux programmes de recherche et mettaient en place des essais cliniques sur des centaines ou des milliers de patients. N'est-ce pas là le sens même du brevet ? Les inventeurs se voyaient garantir un marché qui rentabilisait leurs investissements et le public y trouvait son compte avec de nouvelles molécules capables d'enrayer de nombreuses maladies. Survient le sida. L'épidémie est planétaire, soudaine, et le virus HIV rétif au traitement classique. Dans un premier temps, le brevet va jouer son rôle incitatif. Les laboratoires vont finir par mettre au point les trithérapies, associations de trois molécules différentes capables de bloquer l'évolution de la maladie. Avant cela, un séropositif se savait condamné. Les trithérapies vont donc redonner l'espoir à des millions de malades. Début 2000, une année de traitement coûte environ 12 000 dollars par personne, une somme élevée, mais que les systèmes de santé des pays riches peuvent assumer. Pas les pays les plus pauvres, sans infrastructures sanitaires. Cependant, les firmes pharmaceutiques s'affirment incapables de baisser leurs tarifs par crainte de ne plus pouvoir amortir leurs investissements. Pour la première fois sur une telle échelle, le système vertueux des brevets appliqués à la recherche de nouveaux médicaments montre ses limites. Salué comme un quasi-miracle au Nord, l'avènement des trithérapies ajoute une inégalité de plus à la mondialisation et il devient insupportable de voir des pays entiers dévastés par l'épidémie alors même que les traitements existent. Pour l'ex-président des États-Unis Bill Clinton, ce blocage est moralement intenable. Quand les historiens étudieront notre époque, ils verront que notre civilisation a dépensé des millions de dollars pour éduquer les gens à propos du fléau du virus HIV et du sida, qui a déjà emporté 25 millions de vies et pourrait infecter encore 100 millions de personnes dans les 8 années à venir. Mais ils ne trouveront pas civilisé notre incapacité à traiter 95% des gens touchés par la maladie. Alors même que la médecine permet de transformer le sida d'une sentence de mort en une maladie chronique, cette rétention des traitements apparaîtra aux historiens futurs aussi moyenâgeux que la saignée. Les solutions à ce drame existent pourtant. En dépit du refus des laboratoires occidentaux, il est évident que la copie peut permettre d'endiguer ce fléau. En Inde, où les brevets sur les médicaments n'existent pas, les sociétés Cipla ou Rambaxi sont capables de produire des trithérapies à coût très faible. Mais encore faut-il pouvoir les acheminer aux populations concernées. En l'occurrence, la règle est simple. Il est impossible de distribuer une copie de médicaments encore sous brevet dans un pays reconnaissant ces mêmes brevets. En théorie, cette limitation ne devrait pas poser de problème car les pays les plus pauvres, ne disposant pas d'industrie pharmaceutique, n'ont de fait aucune raison de légiférer dans ce domaine, sauf à sacrifier leur population. Et l'Inde, par exemple, a montré que les pays en développement savaient se prémunir en refusant d'accorder des brevets sur les médicaments, encourageant ainsi une industrie de la copie à bas prix. En théorie, il ne devrait donc pas y avoir d'obstacle à l'acheminement de clones peu onéreux de trithérapie vers les pays les plus touchés par la maladie, Afrique noire en tête. Malheureusement, alors que l'épidémie du sida explose, de façon concomitante se met en place un chantier international crucial. En 1994, les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce ont posé les bases d'un accord sur les aspects de droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, ATPIC. Ce traité vise à établir un seuil minimum de protection des droits de propriété intellectuelle dans le monde entier, dans tous les secteurs, droits d'auteur, marques et brevets. Dans le cas des médicaments, tous les pays doivent se conformer à la même norme et octroyer un monopole de 20 ans sur toute nouvelle molécule. Voilà les nations les plus pauvres sommées de se conformer aux mêmes critères que les pays riches. Voilà le Botswana, dont 35% des 1,6 million d'habitants sont séropositifs, tenu de reconnaître les brevets sur les médicaments et de se priver de l'accès à des copies de traitements à prix réduit alors même qu'il ne peut financer le coût des molécules originales. C'est à peine si un délai de grâce a été accordé à certaines nations pour transposer l'accord dans leur législation nationale. Si les pays développés ont dû obtempérer dès 1996, certains pays en développement, l'Inde par exemple, ont jusqu'en 2005 et les pays les moins avancés jusqu'en 2016. La crise du sida révèle l'absurdité d'un tel traité international. Comme s'il s'agissait d'accepter de rayer de la carte des populations entières au nom d'un brevet tout-puissant. Le brevet s'érige en principe de toute chose et la santé est subordonnée à son fonctionnement harmonisé sur toute la planète. C'est là une évidente perversion, la propriété intellectuelle censée pourtant promouvoir les avancées technologiques et scientifiques. Qui pourrait soutenir que les brevets existent pour donner à des entreprises un pouvoir de vie ou de mort sur des populations entières? Sous la pression de l'opinion publique, des associations et des pays les plus pauvres, l'OMC s'emploie désormais à amender cet accord scélérat. Ce sera la déclaration de Doha de novembre 2001 où les membres de l'organisation affirment la prééminence du droit à la santé sur le droit du commerce et confirment le rôle fondamental des licences obligatoires. En cas d'urgence sanitaire, les États peuvent recourir à cet outil pour autoriser un laboratoire à copier une molécule pourtant couverte par le brevet. C'est la stratégie adoptée avec succès, notamment par le Brésil. Le programme national anti-sida lancé par ce pays au début des années 90 a très vite buté sur un problème de coût. Sur les 500 millions de dollars consacrés au programme, les 3/5 sont destinés à l'approvisionnement en médicaments. Un laboratoire brésilien, Farmanguinos, a été mandaté pour produire à bas prix des traitements. Et à deux reprises, en 2001 et 2003, le Brésil a menacé des firmes pharmaceutiques telles que Roche ou Merck d'édicter une licence obligatoire sur certains de leurs produits afin de les forcer à diminuer drastiquement leurs prix. Résultat, sur les 600 000 séropositifs que compte le pays, plus d'un quart se voit fournir gratuitement les traitements qui les maintiennent en vie. Les admissions en hôpital dues au sida ont diminué de 80% depuis 1996, et le nombre de séropositifs et la mortalité liée au sida sont deux fois inférieurs aux prévisions faites au début des années 90.